1 rue d'Aiguillon, coin Sainte-Marie. 418-647-2972. Visitez notre page Facebook. Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25 $, soutenez CKRL financièrement. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. CKRL. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. 89.1. So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Québec. Aujourd'hui au Grain de sable, une entrevue avec le sociologue Jacques P. Gélina en première partie d'émission et la chronique de Renaud Blais en seconde partie d'émission. Bonjour à tous, c'est Michel Monnette en l'absence de Valérie Blouin qui vous accompagne pour la prochaine heure. Bienvenue à cette nouvelle émission, à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec en ce 21 avril, veille du jour de la Terre. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que le Grain de sable est un magazine d'actualité socio-économique réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, mieux connu sous le nom d'Attaque Québec. On y reçoit des gens engagés et on écoute de la musique engagée. Comme je vous le mentionnais, nous allons nous entretenir en début d'émission avec Jacques B. Gélina, avec qui nous allons jaser de capitalisme en lien avec l'avenir de la planète, un sujet approprié à la veille du jour de la Terre. Ensuite, ce sera l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, puis la chronique de Renaud Blais. Mais d'abord, on écoute les ramoneurs de menhir, Auschwitz Planet. Les terres sont viciées, les sources, les mers et les rivières empoisonnées. Les arbres, poumons de notre survie, sont anéantis pour les privilèges des industriels. Et nous restons silencieux. Silencieux. Voilà, c'était les ramoneurs. On s'apprête à fêter le jour de la Terre. Pardon, dimanche, c'était les ramoneurs de planète du groupe. C'était Outswitch Planète du groupe les Bretons, les ramoneurs de menhir. Bonjour Jacques Bégelina. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un plaisir. Et merci d'avoir accepté. Vous êtes dans nos studios directement, c'est bien. Alors, on va discuter de capitalisme, d'ouverture des marchés et de développement durable à la veille du jour de la Terre. Vous êtes sociologue? Vous oui. avez eu une carrière à l'international qui vous aura sans doute permis de voir les côtés sombres du capitalisme? Oui, j'imagine. Avec beaucoup de place, on a aussi oui, Bolivie, c'est ça exactement. Je signale au passage à nos auditeurs d'ailleurs que vous avez été directeur de la programmation d'une radio communautaire en Bolivie, la Radio Emisoras. Est-ce que je prononce bien? Oui. C'est ça. C'était dans les mines, de fait, dans les mines des Siglo 20. Ah oui? Oui. Et ensuite, c'était avec les Aymaras, les Indiens là, des Hauts Plateaux. Donc, vous avez fait de la radio communautaire finalement. Exactement. Donc, bienvenue à CKRL. Je me retrouve chez nous. Voilà. Alors, si on se rapproche d'aujourd'hui, vous avez écrit il y a quelques années dans la revue Possible ce qui suit. Si on étudie de près l'histoire des civilisations, on constate que deux tendances ont marqué l'organisation de l'activité économique dans les sociétés. Il y a le courant primaire, où prévale l'instinct de domination ou l'exploitation du travail des plus faibles et le pillage des biens produits par d'autres collectivités. Il y a le courant civilisateur, où tend à s'affirmer un esprit de coopération et d'équité qui émane des aspirations humaines les plus profondes de liberté, d'égalité, de solidarité. Certains prétendent que le triomphe du capitalisme et l'ouverture des marchés, c'est une bonne chose et même que cela contribue à nous faire avancer comme civilisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Primaire ou civilisateur, le capitalisme? Bon, ben, je pense que c'est plutôt dans le courant primaire, parce que c'est quoi l'essence du capitalisme d'abord? C'est quoi le capitalisme? Bonne question. Oui, le capitalisme, donc c'est un système économique, comme il y en a eu beaucoup d'autres. Oui. Il y a eu le système esclavagiste, il y a eu le système féodal. Et ensuite, le système capitaliste, qui a eu un commencement, il y a à peu près deux siècles, et qui aura certainement une fin, comme les autres. Oui. Alors, donc c'est un système d'accaparement. Par quelques-uns, c'est-à-dire par des entreprises privées, par des individus. Donc, l'essence du capitalisme, c'est l'accumulation, l'accaparement. Autrement dit, on fait des profits pour réinvestir, pour faire davantage de profits, pour réinvestir encore plus et faire encore plus de profits à l'infini. Donc, et on n'est jamais satisfait. Donc, un système comme ça n'a pas pour but le bien-être des individus ou de la collectivité, ni le bien-être de la planète, bien entendu. Ils le disent eux-mêmes, n'importe quel homme d'affaires vont vous le dire. Nous, notre but, c'est de faire des profits. Oui. Donc, on n'est pas le Saint-Vincent de Paul. Il y en a d'autres qui sont chargés de ça. D'ailleurs, on a l'impression, depuis les années 80, depuis les années Reagan aux États-Unis, qu'effectivement, on a comme mis de côté toutes les barrières qui limitaient cette tendance à l'accaparement de la richesse. Oui, bien, vous fixez Reagan, donc c'est autour des années 80. C'est là qu'a commencé ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation. Oui. Ou la mondialisation, mais c'est plutôt mieux de l'appeler globalisation, parce que c'est un phénomène, c'est un phénomène économique, alors que la mondialisation, c'est un système qu'on pourrait dire de communication du monde entier, ce qui est dans le monde entier, système d'accumulation, de communication des cultures, etc. Internet, par exemple, donc ça, c'est pas mauvais. La mondialisation n'est pas une mauvaise chose en soi. La mondialisation, mais la globalisation, le vrai mot qu'on devrait dire. Oui. Ça veut dire que c'est le capitalisme poussé au bout de ses limites, c'est-à-dire l'accaparement sans limite à l'échelle de la planète. Au détriment de au détriment de tout. Au détriment de la planète surtout. Donc, c'est ça aussi l'idéologie qui soutient ce nouveau système, c'est-à-dire c'est une nouvelle phase du capitalisme, plus extrémiste, et l'idéologie qui soutient ça, c'est le néolibéralisme. Et qui est caractérisé par la déréglementation, c'est-à-dire laisser faire le marché. C'est le ça. Le moins de contraintes possible. Laisser faire le marché. Donc, déréglementation, ça veut dire les politiciens, tassez-vous. Le moins de règlements possible, le moins de législation possible. Le marché ne se trompe jamais. Ça, c'est absolument pas prouvé. Oui. on a malheur si on a vu le contraire. Je vais vous citer aussi dans autre chose que vous avez écrit, parce que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Dictionnaire critique de la globalisation », justement. Vous expliquez, c'est que tantôt vous parlez de globalisation. Bien, oui. Vous avez donné au mot cupidité la définition suivante. Je trouve que ça va bien avec vos propos jusqu'à présent. Mm-hmm. « Désir pervers de posséder et d'accumuler, aujourd'hui connu implicitement et souvent explicitement comme additif dopant nécessaire dans le moteur de l'économie capitaliste. » Donc, pour vous, l'appât du gain, c'est quelque chose de nuisible, autant pour les humains que pour la nature. C'est bien sûr, parce que c'est ça l'objectif. Et nuisible en quoi? Bien, c'est-à-dire, si l'objectif est de faire de plus, d'accaparer le plus possible, même quand on n'a pas besoin. Voyez-vous, comme nos grands dirigeants actuellement, comme le dirigeant de la Caisse de dépôt qui gagne, on annonce ça dernièrement, le 2,5 millions par année. C'est quand même incroyable. C'est incroyable, ouais. Il n'a pas besoin de ça, lui. Mm. Mais le monde trouve ça correct. Tu sais, les chroniqueurs là, de la radio, ça ne les scandalise pas, ils ne tombent pas sur le derrière pour ça. Là. Ouais. Ils disent, c'est correct, les joueurs de hockey, juste des poussées de rondelles, là, qui gagnent aussi 10 millions, 5 millions par année. Ça, tout ça, c'est correct. Ouais. Alors, c'est faux, c'est parce qu'on nous a rend, à force de le répéter, ce mensonge, ça devient une vérité. Mm. Un mensonge répété 1,000 fois, paraît-il, ça devient une vérité. Alors, donc, cette cupidité qui autrefois était un vice, avec le nouveau capitalisme, c'est reconnu comme une vertu. Ouais. Le capitaliste a besoin de ça, paraît-il, pour continuer à croître. Et la croissance, paraît-il, que finalement, tout le monde a bénéficié. Ce qu'on voit, c'est tout à fait le contraire, parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus de pauvres. D'ailleurs, je suis tombé sur une critique du film Avatar. Vous savez, cette espèce de film qui a eu quand même un grand succès. Ce film où les humains vont sur une planète à l'extérieur, s'accaparer d'une richesse, s'accaparer d'une matière première, ils détruisent une civilisation. Et c'est Philippe Grandbois qui disait, je trouvais ça, Philippe de Grosbois, pardon, qui disait, je trouvais ça intéressant, qui disait, en somme, c'est une sorte de retour aux sources qu'Avatar nous convie. Mm-hmm. Un autre capitalisme est possible, semble-t-il nous dire, celui qui négocie avant de chasser les Autochtones, celui qui sait exploiter à fond les capacités de renouvellement de la nature, celui pour qui Internet et la technologie nous sortiront du marasme. Et c'est pas justement la force du capitalisme, ce serait pas de nous vendre l'illusion que nous pouvons tout détruire et tout de même, entre guillemets, progresser. Oui, oui, oui. C'est que finalement, la technologie, malgré toutes les destructions qu'on fait avec les sables bitumineux, avec les gaz de schiste, avec l'empoisonnement de l'atmosphère, de la nourriture, la technologie et le marché vont solutionner tout ça. Donc, le grand problème, la question, est-ce qu'il y a un bon capitalisme? Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un capitalisme à visage humain, comme on dit, comme il y avait, paraît-il, après la guerre, dans les 30 glorieuses, là, où c'était le New Deal, le keynésianisme. Comme les gens qui veulent exploiter les gaz de schiste nous ont fait miroiter, le plan Nord nous fait miroiter. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un bon capitaliste? Moi, je dirais, à court terme, ça se pourrait que s'il était intelligent, il exploiterait un petit peu moins, il y aurait un petit peu moins d'inégalités, puis il ferait quand même beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas dans la logique du capitalisme, ça. La logique du capitalisme, ce n'est pas d'être compréhensif. Par exemple, actuellement, on sait qu'il y a un dérangement climatique, le réchauffement de la planète, on sait qu'on s'en va à notre perte. Il continue quand même. Regardez dans les journaux tous les jours, la croissance a repris, la croissance va reprendre en Europe. Donc, de plus en plus de consommation, de plus en plus de production, de plus en plus de gaspillage. Et on s'en va dans un mur. Ça fait rien, ça. Oui. Il faut faire des profits. Mais quand même, je vais vous provoquer un peu. Il y en a qui disent même que c'est bon, le développement économique, pour nous et pour la nature, que même ça pourrait se faire, non pas en dépit, mais même grâce à la vulnérabilité des ressources du marché de l'environnement. Si on laisse les forces du marché agir librement, autrement dit, ils vont trouver des solutions. Oui, il y a des problèmes, mais ils vont trouver des solutions, mais laissons-les travailler. Oui, mais c'est un mythe. C'est un mythe. C'est-à-dire, on le voit actuellement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait longtemps qu'ils disent ça, d'ailleurs. Oui, hein? Oui. Alors, le réchauffement de la planète s'accentue de plus en plus. L'épuisement des ressources, par exemple, il n'y a plus de morue. Hein? On a fini. Il y a beaucoup d'autres espèces, des océans. Nos forêts s'épuisent. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a une solution en vue. Ça, c'est un mythe pour qu'ils continuent à piller et à gaspiller. Oui, un peu comme les fameuses bourses qu'on veut créer. Là, Les bourses du carbone, c'est ça, les permis de polluer, le marché des, le marché du carbone. Tout c'était, ça, c'est des suites de Rio, ça? C'est des suites, pas nécessairement de Rio, de Kyoto. De Kyoto, pardon, de Kyoto, je m'excuse. De Kyoto, justement. C'est le lobby des pétrolières. Au lieu d'imposer donc des restrictions, ils ont dit non, le marché va résoudre ça. Donc, ils ont créé un marché des permis de polluer. Donc, ça lui solutionne. Il faut le faire quand même. Ça ne solutionnera pas absolument rien. Ce qui va solutionner, c'est qu'une fois pour toutes, on va accepter que la question des combustibles fossiles, c'est chose du passé, et qu'on a actuellement, comme ici nous autres au Québec surtout, toutes les ressources renouvelables pour faire fonctionner l'économie, la société. On a le vent, on a les forces hydrauliques d'abord, on sait que ça marche très bien. Oui. On a la force éolienne, la géothermie, la force marémotrice, la force solaire, l'énergie solaire. Donc, on pourrait complètement, d'ici une dizaine d'années, fonctionner presque uniquement, du pétrole, presque seulement qu'avec des énergies renouvelables. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les pétrolières et l'industrie de l'automobile ne veulent pas. Alors, voilà. dernière question, en complétant cette entrevue. Est-ce que nos enfants vont vivre dans un monde meilleur ou pire que celui dans lequel nous vivons? Si vous vous projetez dans le futur. Oui, bien justement, moi j'ai une petite fille qui a 2 ans. Ah! 2 ans et 1 mois. Et vous êtes optimiste ou Clara, pessimiste? Clara. Oui, Clara, Alors, est-ce que Clara va vivre dans un monde meilleur? Ce que je lui dis à Clara, c'est qu'il y a un défi extraordinaire qui l'attend. Oui. Parce que l'humanité est rendue à un carrefour crucial. Hein, on le sait, aujourd'hui, la planète est en danger. Alors, Clara, c'est le siècle de Clara qui va avoir à affronter ça. Est-ce qu'il va surgir dans la jeunesse d'aujourd'hui? Ce qu'on voit, par exemple, dans le milieu étudiant, moi, j'ai confiance à ça. Cette force qu'on voit actuellement. C'est ça. Oui. Donc, juste le fait qu'ils vont combattre pour la vie sur la planète, pour la vie de leurs enfants à eux. Donc, seulement ça, c'est un défi exaltant et qui c'est déjà vivre dans un monde meilleur que de travailler pour un avenir, pour l'avenir de l'aventure humaine, qui est censé être un avenir de liberté, d'épanouissement. Et qu'actuellement, le système capitaliste est en train de détruire à notre insu. Vous n'êtes pas nécessairement complètement pessimiste, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Non? Non. Moi, je pense que l'humanité, qui prend de plus en plus conscience, avant de réformer quelque chose, il faut en avoir conscience. Il faut se rendre compte. Ça prend des gens pour ouvrir aux consciences, comme vous, comme ce que vous faites, finalement. Oui, comme vous faites vous aussi. Merci. Comme fait CKRL. Comme on essaie, oui. Oui, alors... c'est ça. Donc, cette chose-là qu'on mène actuellement, cette prise de conscience, par exemple, malgré tous les malfaiteurs qui existent aujourd'hui dans le monde, malgré les guerres, malgré les réchauffements climatiques, la destruction de la planète, il y a quand même une prise de conscience plus qu'il y avait autrefois. C'est-à-dire beaucoup plus. Et c'est ça qui compte. Par exemple, le fait que les femmes aujourd'hui sont reconnues comme des êtres humains à part entière. Donc, ça a été une prise de conscience, une révolution qui s'est faite sans effusion de sang. Voilà. Il y a eu beaucoup d'autres. La révolution, par exemple, écologique. Oui. Ça fait 50 ans cette année que la femme, Rachel Carson, a écrit le premier livre. Ah, c'est une femme qui a démarré le. C'est une femme qui s'appelle Rachel Carson, une biologiste, qui a écrit un livre, ça s'appelle Silent Spring, le silence des oiseaux, le silence du printemps, printemps silencieux, c'est-à-dire que c'est elle qui a déclenché le mouvement écologiste. Et dans ce temps-là, on l'a traité de tous les noms, elle avait névrotique, les médecins étaient contre elle, les pétrolières, tout ça. Jacques Bégélina, c'est fort intéressant, on pourrait continuer encore pendant plusieurs minutes. C'est fini? Hélas, on va te voir. La prochaine fois. mais les gens peuvent vous écouter bientôt. Les amis de la Terre vont vous recevoir. Ah oui, j'oubliais. Ils vont vous recevoir le 9 mai, je crois. C'est ça, le 9 mai, à l'édifice Frédéric Black, oui. À 7h15 le soir, je pense. À 19h15, c'est ça. Alors, donc, les gens vont pouvoir aller vous écouter. Là, vous allez avoir plus de temps pour expliquer. On n'avait pas beaucoup de temps ce matin, mais quand même, c'est comme une petite mise en appétit. Les gens pourront aller vous écouter aux amis de la Terre. Je rappelle que vous êtes sociologue, que vous êtes l'auteur des essais « Et si le tiers-monde s'autofinançait? Le virage à droite des élites politiques québécoises et la globalisation du monde, faire ou laisser faire, et aussi le dictionnaire critique de la globalisation, et que vous préparez même en ce moment un ouvrage sur nos richesses naturelles. Sur la réappropriation de nos richesses naturelles. Voilà, on en a bien besoin. Merci beaucoup, Jacques Bégélina. Et nous allons mettre un lien vers notre site de notre propre blog, là, vers des pages parlant de vous et vers aussi la conférence là, que vous allez donner le 9 mai, pour que les gens sachent exactement, là, s'ils n'ont pas bien entendu là, ou s'ils ne peuvent pas nous réécouter, qu'ils sachent exactement où va avoir lieu la conférence. Merci. Merci, Mme Monette. Merci, bienvenue. Avant de poursuivre avec l'éditorial de Claude Bayancourt, président d'Attaque Québec, on écoute le ministère des Affaires populaires. Combien ça coûte l'indifférence? À tout de suite. J'ai déjà entendu l'expression qui dit que ça fait une... Combien ça coûte? Combien ça coûte la souffrance? Tout le monde se demande. Combien ça coûte? Combien ça coûte? On fait les comptes et à l'ancienne, on fera tomber les têtes. C'est là pour être payé. Combien ça coûte? Combien ça coûte la différence? L'exigence casse les reins pour gagner. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Répétez la calculette, on fera tomber les têtes. C'est là pour payer. Est-ce que la seule valeur qui vaille? En ce début millénaire, c'est le fric, la mitraille, le pèse, le numéraire, les savoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flous, les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question préoccupe, la nouvelle pauvreté, faut nous dire combien ça coûte. Un kilomètre d'autoroute, Super Phoenix réformé, un grand stade à footballer. Combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer? Combien ça coûte la misère? Combien ça coûte la souffrance? Combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France? Combien ça coûte? Combien ça coûte la souffrance? Pour gagner 3 cacahuètes. Combien ça coûte? Combien ça coûte? On fait les comptes et à l'ancienne, on va tomber les têtes. C'est leur payer. Combien ça coûte? Combien ça coûte la différence? Tout le monde se demande. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Répétez la calculette, on va tomber les têtes. Tu sais combien ça coûte? Le pillage de l'Afrique, le diamant, le pétrole, un génocide ethnique, combien ça coûte? Une aide humanitaire au Darfour, combien ça coûte? Un Africain qui crie au secours, tout le monde est sourd. Quand y'a de l'oseille sur la table, business is business, pas de sentiment pour les misérables. C'est toujours les mêmes qui empochent le pactole, toujours les mêmes qui restent bloqués au sous-sol. C'est pourtant avec notre fric qu'ils soignent leur petit confort, qu'ils s'empiffrent, qu'ils s'engraissent comme des porcs. Combien ça coûte le mépris, le suicide d'un ouvrier? Certainement pas autant qu'un parachute doré. Combien ça coûte un petit gueuleton au Phuket? Combien ça coûte une croisière sur un yacht de la jet set? Alors vas-y, fais péter la calculette, on fera les comptes et à l'ancienne, on fera tomber les têtes. Combien ça coûte? Ministère des Affaires populaires, combien ça coûte l'indifférence? On n'a pas le temps d'écouter toute la pièce, mais vous pouvez la retrouver facilement sur Internet. Alors, nous allons maintenant écouter l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, et son éditorial porte cette semaine sur le jour de la Terre. On l'écoute. Face à une décision qu'on prend, on s'en remet. On s'apprête à fêter le jour de la Terre dimanche prochain. Mais il faut dire que notre pauvre Terre est dans un bien piètre état. Et ça, c'est de notre faute à nous les humains. On consomme à qui mieux mieux, on roule en voiture, on gaspille sans trop se préoccuper des conséquences de tout ça. Mais c'est aussi de la faute de ceux qui nous gouvernent, qui sont totalement soumis à la grande entreprise, celle qui a comme objectif d'exploiter le plus de ressources possibles, le plus rapidement possible, avec le plus de profits possible, avec une seule devise en tête, « Après nous, le déluge ». Alors, on y va gaiement sans se priver. Au Québec, on cherche à exploiter au plus vite des gaz de schiste, en se fichant des citoyens, des effets sur l'eau, des nappes phréatiques. On prévoit un ambitieux plan Nord, l'exploitation des mines pour des étrangers, avec le moins de contraintes possibles. On défend un accord économique avec l'Europe qui permettra aux compagnies de poursuivre les gouvernements si ceux-ci adoptent des lois qui protègent l'environnement aux dépens du commerce. Il faut le dire, une des principales cibles du libre-échange, c'est la protection de l'environnement. Au fédéral, c'est pire. Non seulement on encourage dans l'Ouest l'exploitation à grande échelle du pétrole le plus polluant qui existe, mais on fait un lobbying intensif à travers le monde pour que les gens en achètent de plus en plus. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, ça marche. On fait taire les écologistes, on coupe leur financement, on cherche à les exclure de l'évaluation des grands projets qui affectent l'environnement, on refuse de reconnaître des faits scientifiques unanimement admis chez les chercheurs le moindrement sérieux, comme le réchauffement de la planète. Notre planète est malade, les océans dépérissent, les forêts rapetissent, les espèces disparaissent, les terres s'assèchent et se désertifient, les catastrophes naturelles se multiplient. Et que font nos gouvernements? Ils vont droit de l'avant. Ils sont incapables de s'entendre sur des mesures radicales pour protéger notre pauvre terre. Ils ne font que reconduire ce qui détruit à vaste échelle, avec la complicité des grandes compagnies et de leurs actionnaires dociles qui se remplissent les poches. Vous comprenez donc que la situation est urgente. Il faut dire, répéter et dire une fois de plus que tout ça, ça ne peut pas durer. Il faut le dire sur toutes les tribunes le plus souvent possible. Espérons que la grande manifestation de demain soit le début d'un grand mouvement à l'échelle du Québec qui nous fera nous pencher sur cette grande malade qui est notre terre et qui nous permettra enfin de lui donner les premiers soins dont elle a tellement besoin. Merci beaucoup, Claude, pour cet éditorial, toujours aussi intéressant. Donc, demain à Montréal, grande marche pour le jour de la Terre. Moi, j'ai à peine le temps de vous dire que nous allons écouter une plage publicitaire. Et par la suite, ça va être la chronique avec Renaud Blais. Et je vous reviens donc, nous vous revenons donc un peu plus tard pour la suite de l'émission. À plus tard. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Ancrée dans la vie du Faubourg Saint-Jean-Baptiste depuis 1939, la Tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Maintenant disponibles, les HD Smoke en version usage unique à saveur de tabac, menthol ou vanille, sans oublier la version rechargeable aux saveurs variées et les cigares électroniques. La Tabagie Saint-Jean connaît le tabac. Revues, magazines, commodités en tout genre, incluant bière, vin, café et choix de viennoiserie, c'est ça la Tabagie Saint-Jean. 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons sur semaine et toujours disponibles sur Facebook. Le Studio P accueille les Parfaits Inconnus. Les Parfaits Inconnus, ce sont des gens comme vous et moi, reliés par la parole. Un lieu, une règle, qui permettent aux mots de sortir enfin des tiroirs pour nous rapprocher. Chacun lit ou chante ce qu'il a écrit lui-même et laisse son jugement au vestiaire. Les Parfaits Inconnus, le jeudi 26 avril à 19h30 au Studio P. Contribution suggérée, 5$. Information, www.lestudiop.com. Le Studio P, art et littérature en scène. Proposé par la Fédération canadienne de la faune, le concours Faites connaissance vous invite à sortir de chez vous pour partir à la découverte de vos voisins fauniques. Envoyez-nous l'une de vos œuvres photographiques, vidéographiques, littéraires ou musicales pour courir la chance de gagner des prix formidables, tels qu'une invitation à un camp art et nature organisé par Parc Canada au Parc national de la Pointe-Pelée. Pour en savoir davantage, visitez faitesconnaissance.ca. En avril à l'Ampli de Québec, on marque l'arrivée du printemps avec la série En avril, découvre tous les fils de l'écriture. À ne pas manquer, jeu d'écriture avec Régis Brassard, structure et prosodie avec Mario Chénard, écrire pour l'autre avec Nelson Mainville, et aussi les contrats dans le domaine artistique avec Maître Jean-Claude Pinto, mise en marché 2.0 et l'édition musicale avec Guillaume Désiel. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Ici Michel Monnet, vous êtes toujours au Grain de sable sur CKRL 89.1 et j'ai devant moi Renaud Blais pour sa chronique mensuelle « Quelques fenêtres sur les Indiens d'Amérique ». Bonjour Renaud. Bonjour tout le monde. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un militant altermondialiste depuis plus de 10 ans, reconnu en 2011 comme Indien Huron-Wendat à part entière, bref, métis et fier de l'être. Certains de vos ancêtres d'origine asiatique sont depuis quelques 10 000 ans en Amérique. Ce sont eux qui ont accueilli, rendu possible et facilité énormément la vie des commerçants et des missionnaires venus d'Europe au temps de la Nouvelle-France. Et bonjour, chers auditeurs. Oui. Alors, moi, je crois toujours qu'il est très altermondialiste de restituer la place prépondérante des Indiens en Amérique au cours de l'histoire ancienne et récente, particulièrement en Amérique du Nord. Depuis des années, je fais des recherches personnelles sur le sujet, comme historien amateur averti. Aujourd'hui, je vous présente quelques extraits d'une longue entrevue que m'a offert très généreusement M. Marcel Godbout, un Wendat de la communauté de Wendake, ici près de Québec, territoire maintenant enclavé dans la ville de Québec. De cette entrevue, j'ai retenu les éléments que je regroupe autour, mettons, de la culture Huron-Wendat, principalement en termes de vision du monde plutôt panthéiste, qui voit les êtres vivants comme formant une seule entité qui ne peut être amenée à une seule de ses parties. Alors, dans mon premier extrait, M. Godbout nous présente un peu la conception filiale que les Hurons ont de la chasse. On l'écoute. On se remémore les 7 générations passées, puis on pense aux 7 générations qui vont nous suivre. Est-ce que ça dit quelque chose pour vous? Oui. Oui, tout à fait. C'est sûr que des fois, on essaie beaucoup d'utiliser des chiffres comme 7 ou 4 ou autre. Des fois, oui, c'est valide, mais pas nécessairement tout le temps. Mais ce qu'on sait, c'est que nos peuples ont toujours fait ça, c'est dans le but de penser à nos générations. Peu importe le nombre, moi je pense qu'il ne faut pas nécessairement mettre un nombre là-dessus. C'est le principe de dire, ben tout ce que tu fais, c'est en fonction de ce qui va suivre. Alors, c'est important de léguer des choses à ceux qui vont venir après nous, parce qu'eux aussi vont avoir la tâche et la responsabilité de laisser aussi à ceux qui vont venir après eux également. Et ça, c'est une façon d'assurer sa survie en tant que peuple, en tant qu'être humain. C'est aussi, en guillemets, c'est large la spiritualité, mais c'est une manière de penser également. Hein. Oui, c'est la vision du monde qui se définit là. Tout à fait, c'est ça. Et elle se définit aussi par la langue. La langue est une façon de voir ce qui nous entoure. C'est aussi, ça a l'air de ça, c'est très important. Quand vous parlez de la récolte des plantes médicinales, c'est un peu la même chose dans le comportement du chasseur. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Les gens vont mettre du tabac lorsqu'ils vont chasser un ornial ou autre, et on remercie l'ornial parce que la viande qu'on va avoir va permettre, pour pouvoir permettre de remettre ça à des aînés ici dans la communauté, à des gens de la communauté qui peut-être sont moins nantis, puis que c'était beaucoup une source d'alimentation de ces gens-là, de pouvoir se nourrir. Résultatement. On va faire une distribution, ensuite. Non, ici, il y a une chasse qu'on appelle une chasse communautaire. Okay. Et les gens, lorsqu'ils vont en chasse communautaire, ben, c'est gardé ici, c'est tout stocké la viande. Puis lorsqu'il y a des activités de type communautaire, où il y a des gens qui sont dans le besoin, en termes de viande ou autre, ou des aînés qui veulent avoir ça, qui ne peuvent pas aller à la chasse s'en procurer, ou que leur famille n'y vont pas alentour, ben ces gens-là peuvent bénéficier de ce contact-là, une part de contact avec la nature qui est l'orignal, qu'on nomme dans notre langue la hausse croix et dire orignal. C'est important pour nous, fait qu'encore là, c'est une approche communautaire. Est-ce que non, vous distinguez deux types de chasse? Une chasse qui va être plus individuelle puis une autre communautaire aussi? Non, nous, c'est en famille. Les gens, ils vont en famille. Okay. Comme c'était avant, c'est sûr que les choses sont modifiées, évidemment, avec les années. Mais nous, on a deux types de chasse. On en a une plus de type communautaire où les gens vont donner de leur temps et savent que s'ils capturent un orignal, ben, ils vont pouvoir en remettre les fruits, comme on dit, à la communauté. C'est stipulé de cette façon-là. Donc, les gens s'enregistrent et disent, bon, OK, on y va quelques-uns. On essaie d'avoir de l'orignal pour nos gens ici. Puis après ça, quand c'est le temps d'aller durant la période de la chasse, ben là, c'est familial. C'est des gens, ils vont soit des amis ou des gens de la communauté parce que le tissu social est très rapproché ici. Mm-hmm. Donc, les gens partent ensemble sur le territoire, sous l'union SIO qu'on appelle, puis ils partent chasser. Bon, oui. Vous, chers auditeurs, je m'excuse beaucoup de l'enregistrement amateur. Vous aurez compris que, bon, je suis pas un technicien hors pair, loin de là. Alors, très rapidement, dans mon deuxième extrait, M. Godbout nous expose le lien évident que les Premières Nations voient entre leur spiritualité et leur environnement comme milieu de vie. Il y a des traits même communs à toute la spiritualité, même, je dirais, des premiers peuples. En sens général, mondial, la plupart de tous ces peuples-là ont toute une relation particulière avec l'environnement. Puis les gens ne peuvent pas se soustraire à l'environnement. Puis donc, tout le mode de la spiritualité, tout ça est basé beaucoup en relation avec ce que les gens vivent avec leur propre environnement. Dans les premiers peuples que je connais, puis je vais au-delà de l'Amérique du Nord, c'est des peuples qui étudiaient tout ce qui se trouve dans l'environnement, mais il y avait des façons de le faire. Ils pensaient toujours à ceux qui allaient suivre en arrière. Ils savaient que s'ils n'en laissaient pas pour tel, par exemple, des plantes médicinales ou autre, ben il allait avoir un problème à un moment donné. Alors, je pense qu'il y avait une question de pensée communautaire, de pensée, aujourd'hui on pourrait utiliser le terme social, là, mais d'une pensée qui pour les autres, puis dans le respect aussi. Chez nous, on dit que lorsqu'on porte un nom traditionnel, lorsqu'on reçoit un nom traditionnel, c'est important pour nous. On dit toujours que lorsque tu auras à aller chercher une plante médicinale ou autre, de toujours répéter le nom et de demander à la plante de la retirer pour avoir ses bienfaits médicinaux. On sait tous que vous pourrez décider n'importe quand de dire j'arrache telle plante, j'arrache, puis il n'y a personne qui va m'arrêter, puis il n'y a pas un bulldozer qui va me filer sur le dos parce que j'ai décidé de le faire. Tout ça, c'est beaucoup une question de respect, de prendre conscience de ce qu'il y a à côté de nous. Souvent, je comprenais pas ça. Des fois, je voyais les films, puis je me dis, les gens étaient tout attablés, puis dans certaines religions, autour de la table, on faisait la prière avant de manger, ou dire, ben, on remerciait Dieu pour ce qu'on a, qu'on retrouve à la table aujourd'hui, parce qu'on est chanceux de manger. Mais les gens sont tellement habitués à voir ces choses-là de façon quotidienne qu'ils prennent plus conscience de l'importance de certaines affaires. C'est comme l'air puis l'eau. Le fait de faire ce geste-là, c'est un geste qui permet de s'arrêter puis de dire j'ai un lien là avec ce qui m'entoure. Et si je prends cette essence-là de cette plante-là, c'est la moindre des choses que je lui demande par respect. Je prends le temps de m'arrêter, de remercier en apposant du tabac, c'est notre façon de faire, de remercier et de dire ben, en échange, tu donnes ta vie, mais c'est pas pour rien. C'est pour en faire bénéficier la mienne. Alors je te remercie pour ça. C'est un petit peu quand on rend service à quelqu'un aussi de remercier. C'est sûr qu'au-delà de ça, les Premières Nations, comme tous les peuples, on croit que tout ce qui nous entoure vit, a un esprit. Donc, à quelque part, c'est comme si on se trouve être en lien avec cet esprit-là. Donc, d'esprit à esprit, ben, on communique. C'est une façon de faire. Alors, ça aussi, ça fait partie de la spiritualité. La spiritualité est basée sur des valeurs, mais aussi sur une expression de ces valeurs-là. Chez les Iroquois, qui font partie du même groupe iroquoien que les Wendat, donc la langue est pratiquement similaire, la culture, le mode de vie, les cérémonies et autres,

L'argent ne se mange pas. Alors, on poursuit. Je suis toujours en compagnie de Renaud, oui, pour la suite. Alors, je vous présente maintenant mon troisième extrait d'enregistrement d'une conversation avec M. Marcel Godbout. Vous y verrez une vision du monde qui n'a rien à voir avec la vision que dénonce Attac, orientée sur une accumulation sans limite des richesses matérielles. C'est avant, sur la Terre, les Wendat vivaient, ou les Honchoué, disons, vivaient au ciel, puis il n'y avait qu'un monde d'eau. À la surface, où présentement, on dit qu'il y a des continents, il n'y avait que de l'eau. À un moment donné, la fille du chef est malade. Bon, on lui propose d'aller voir la médecine qui lui indique quoi faire, la creuser près d'un pommier avec les gens du village, avec les hommes, et ne pas trop creuser, faire attention. Mais là, les gens creusent trop, et là, soudain, l'arbre passe. Il y a un genre de gros vrombissement, et là, l'arbre tombe. Et dans sa chute, à travers ce qu'on appelle les nuages, la terre, mais qui devient les nuages à un moment donné, mais l'arbre tombe, il amène dans sa chute Karataïsik, qui était la fille malade, et qui, bon, en descendant, ben, il y a de gros oiseaux volants, ça soit, des fois on fait appel aux cygnes, des fois ça peut être l'outarde, des fois ça peut être l'oie des neiges. Tout dépendant des versions, mais c'est un oiseau de ce type-là, et qui la voit descendre, et dit, ben, on faut faire de quoi avec cette belle créature-là, on peut pas la laisser, elle va mourir, il faut en prendre soin. Puis, mais ils s'aperçoivent rapidement qu'avec le poids qu'elle a, c'est impossible qu'ils la gardent éternellement sur leur dos, donc ils font un genre de conseil des animaux aquatiques, qui est là, la grande tortue est là, la petite tortue et plusieurs animaux aquatiques, le castor, le musqué, etc. Et là, suite à un grand conseil, bien, ils en conviennent d'aller chercher la terre au fond de l'océan et de ramener le limon au fond de l'océan pour pouvoir en faire la terre. La terre sur laquelle Karataïsik va pouvoir survivre et finalement y vivre également. Et là, plusieurs nageurs vont à tour de rôle, vont dire, ben, je vais y aller, je vais y aller. Bon, les plus grands nageurs, ils vont tous, mais se noient. On parle du castor, du remusqué, de la loutre. Ils vont tous y aller avec enthousiasme, mais ils vont tous, malheureusement, ne remonteront pas tous à la surface, en tout cas pas vivants. Mais par contre, la grand-mère crapaud, que tout le monde pensait comme étant un être tout petit, le fait qu'elle soit âgée, le fait que ça soit un crapaud en partant, ne réussira jamais, et tout le monde est comme abasourdi de cette décision-là. Et finalement, on va jusqu'à en rire même, là. C'est pratiquement une blague. Et finalement, le grand-mère crapaud y va, et lorsqu'on la voit remonter à la surface, ben, il va cracher son dernier souffle, la terre, dont la petite tortue va étendre sur le dos de la grande tortue, et depuis ce temps-là, ça devient ce qu'on appelle le continent d'Amérique. Alors, on dit chez nous que c'est sur le dos de la grande tortue. Et quand on dit souvent on dit souvent que lorsqu'il y a des tremblements de terre, on dit que c'est la tortue, de temps en temps, qui bouge, qui se place. Chez Iroquois, c'est presque la même chose, sauf que c'est le remusqué qui vient sauver la situation. Bon, par la suite, Hattensick tombe enceinte, et là, on tombe à une mythologie qui ressemble à d'autres mythologies à travers le monde, dont celle des catholiques, elle est enceinte et donne naissance à deux hommes, deux jumeaux. Souvent, ici, des fois, les gens en parlent en termes du bien et du mal, mais ça, c'est une conception très, très, qui vient du judaïsme, parce que dans le fond, il n'y avait pas cette notion-là aussi forte. Question de faire, oui, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais pas dans le même sens, pas dans le même esprit chez nous, au niveau de nos croyances. Souvent, les gens vont parler qu'il y en a un qui a amené le chaos, tandis que l'autre a amené l'ordre. D'autres vont parler plus du fait qu'un va apporter les choses faciles pour l'être humain, l'autre va amener la difficulté pour l'être humain. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça, parce que le premier, lui, va mettre des étendues d'eau très calmes, va mettre des arbres fruitiers dont les fruits sont énormes et faciles à prendre pour l'être humain. Il va amener les grands prix, où les gens peuvent se reposer également. Donc, il va amener tout l'aspect de facilité. Par contre, son frère, même en sortant du ventre de sa mère, va évidemment déchirer ses entrailles et sa mère va décéder. Et suite à sa naissance, ben, lui, il va repasser à l'arrière de certaines choses de son frère. et lui, il va décider de, au lac qui sont très calmes, très poissonneux, ben il va diminuer le poisson, puis il va mettre des rapides. Aux plaines, il va mettre les montagnes. À certains arbres, il va rapetisser les fruits. Dans les prés, à certains fruits, comme les fraises, qui étaient énormes, il va les rendre plus petites. Certains fruits seront pas mangeables durant cette période d'année, que ces fruits-là seront nocifs pour la santé de l'être humain. Donc, c'est un petit peu l'histoire de ça, du combat, soit entre le chaos ou l'ordre, entre les gens font de bien ou de mal, mais aussi entre, également, ce qu'est la vie de l'être humain. Qui parfois, la vie nous semble très facile, puis des fois, elle nous semble insurmontable. Mais c'est pas partout, c'est pas tout le temps. Alors, moi, je préfère dire, vous l'utilisez beaucoup en disant que, premièrement, c'est notre création, c'est la création du monde chez nous, chez les Wendat. Mais aussi de dire que tout ça, ça représente aussi la vie en soi. Par bout, on pensera jamais passer au travers, mais c'est pas le cas. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va réussir. Alors, encore une fois, je m'excuse, chers auditeurs, pour les difficultés techniques, mais je pense que le contenu valait la peine. Alors, je remercie encore M. Marcel Godbout pour sa générosité. Et c'était un autre épisode de Quelques fenêtres sur les Indiens d'Amérique. Il y a très peu à ajouter. Je serais heureux de vous faire partager d'autres fenêtres sur les Indiens d'Amérique lors d'un prochain rendez-vous à déterminer. Au revoir. Merci, Renaud. C'était votre dernière chronique de la saison. Et même s'il ne débute qu'en juin, parce que bon, il va y avoir une émission spéciale pendant tout le mois de mai. Et je vous souhaite un très bel été, même si l'été, évidemment, ne débute que le 21 juin. Et au plaisir de se revoir et de repartager ces trouvailles fort intéressantes et qui nous amènent à réfléchir sur l'avenir de la planète et notre propre avenir en tant qu'individu, notre propre façon de vivre et d'être en tant qu'individu. Merci beaucoup. Renaud. Nous en sommes maintenant aux événements à surveiller dans les jours qui viennent. Je vais y aller quand même rondement. Évidemment, demain, le 22 avril, c'est le jour de la Terre. C'est le grand rassemblement citoyen à Montréal. Et les Québécois vont faire leur printemps. Rendez-vous, on en parle beaucoup ces temps-ci. Rendez-vous à la place des festivals, à la place des arts, dans le quartier des spectacles à Montréal, pour dire que nous refusons d'être dépossédés de nos richesses et des sources d'un véritable progrès d'une société plus égalitaire. Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, compte parmi les signataires de la déclaration. Signez-la vous aussi dès maintenant et participons en grand nombre. Alors, vous pouvez vous rendre sur 22avril.org et aussi sur Facebook pour en savoir davantage. Et je rappelle aussi qu'il y a un point de rencontre des membres et des sympathisants d'Attaque Québec. C'est au métro Place des Arts à 13h30 à l'intersection de Jeanne-Mance et Ontario. Sinon, ici à Québec, il y a Occupons Québec aussi qui organise un autobus. Vous pouvez vérifier auprès de ETHEVEGWENDO. J'ai oublié l'adresse exactement, mais vous cherchez Occupons Québec dans Facebook ou dans Internet, vous allez trouver les liens pour savoir comment joindre ces gens-là. Ici à Québec, il y a quand même des activités qui sont prévues. Il y a entre autres de 13h à 16h au Musée de la Civilisation, il y a des activités. Et aussi, il y a aussi le bazar du... Il y a aussi dans Limoilou, Crack Bitume qui nous attend au 798 12e rue à compter de 14h. Voilà, c'était tout le temps que nous avions pour les activités de cette semaine. J'aimerais remercier notre invité, le sociologue Jacques Bégelina. Je dis merci également à toute l'équipe qui contribue à rendre possible cette émission. Renaud Blais, pour sa chronique qui nous aura permis de découvrir M. Marcel Godbout, un Wendat qui vit dans la communauté de Wendake. Claude Vaillancourt, aussi président d'Attaque Québec, pour son éditorial toujours aussi percutant. C'était Michel Monnette à la réalisation et la mise en onde cette semaine. Valérie Blouin vous reviendra pour l'animation la semaine prochaine. Ce sera notre dernière émission avant l'automne prochain, puisque nous céderons l'antenne par la suite à une programmation spéciale pour le reste de la saison. Je vous rappelle que nous sommes sur Facebook, Google+, et Twitter, et tout accessible depuis notre blog, le grain de sable, en un seul mot, le grain de sable QC.org. Je vous rappelle également que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site CKRL, sur celui d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org, sur le site internet archive

une version. C'est un jeu qui en vaut la chandelle. Un jeu, un thème et une version. J'aime à me faire